pas cette vie, j'y tournerai, crois-moi. Ces soirées de folie me donnent envie d'y croire. C'est peut-être pas le paradis, mais c'est chez moi. Je te souhaite la bienvenue dans mon harem. Beaucoup d'âles est venu jusqu'à Ejpezen. Ici viens goûter les natèches, le riz, le pacala. Les habitants ont la pêche comme des barracudas. Le soleil règle tous les problèmes de misère. Il est comme la cerise sur le goût de ton dessert. Le manque de maille est oublié comme la pauvreté. Ici caraï, c'est presque toute l'année l'été. Viens donc faire un petit tour du côté de Marais à la Fonte. Ici tour à tour au foot tous les petits s'affrontent. Si la vie était un livre, je l'éditerais chez Robert Lafonte. Et si c'était vrai comme les fiches, je pourrais en faire un compte. Goût de la gastronomie et tu te croirais en astronomie. Pas de question d'économie, mais tu n'y laisses aucune mie. Alors je te parle pas des filles, pour ça c'est censuré. Y'a des mignons, des jolies et des canons calibrés. Je suis fier, fier, fier de mes origines. Mental dur comme le fer, comme un arbre et ses racines. Déraciné à chaque fois que je le quitte. Ce pays, c'est ma foi, c'est pour lui que je milite. J'ai le mal du pays et je suis seul dans le noir. C'est peut-être pas le paradis, mais c'est chez moi. J'ai le mal du pays et je suis seul dans le noir. C'est peut-être pas le paradis, mais c'est chez moi. Portugal, Portugal, c'est pour toi que mon cœur bat. Yéga, Braga, mon âme s'est testée, elle est là-bas. Même ici, nous sommes toujours fidèles à nos couleurs. Vert et rouge avec notre emblème sur le cœur. Le foot est en expansion, regarde dans ton passeport. Et hop, ballon d'or pour Figo et Cristiano. Normal qu'on soit si fiers et même envahis par l'orgueil. Notre réussite faudra s'y faire, ne vois pas d'un mauvais œil. Mes origines sont certainement mes plus grandes valeurs. Là-bas, on fait l'enterrement de nos plus grands malheurs. Ici, l'argent régit la vie, l'avenir, nos envies. Rêve d'un bonheur assouvi, mais l'important est de vivre. Personne ne résiste à l'éphémère, c'est dommage. Et les cons, je les fais taire, les miens, je rends hommage. Parfois, ça me pèse lourd des lois du sud. J'en ai marre d'une mentalité où l'on se crache dessus. J'ai le mal du pays, oui, je le crie ouais fort. À l'aide de mes amis que je fais des efforts. Même si, ici y'a confort, là-bas ils ont le sourire. Avec tous mes consorts cash, c'est les délires. Je suis en manque de folklore, de soleil, de piscine. Le bronzage sur mon corps s'évapore vite ici. L'ambiance des soirées, la famille, les amis, le tout réuni dans mon petit coin de paradis. J'ai le mal du pays et je suis seul dans le noir. C'est peut-être pas le paradis, mais c'est chez moi. J'ai le mal du pays et je suis seul dans le noir. C'est peut-être pas le paradis, mais c'est chez moi. J'ai le mal du pays et je suis seul dans le noir. C'est peut-être pas le paradis, mais c'est chez moi. Et je suis seul dans le noir, c'est peut-être pas le paradis, mais c'est chez moi. Hip-hop plus italo, representa conmigo. Crie-le bien haut, contente-toi jusqu'à Porto. Hip-hop plus italo, c'est Porto son mag. Dédicace ce morceau à mes sauces du Portugal. Hip-hop plus italo, representa conmigo. Crie-le bien haut, contente-toi jusqu'à Porto. Hip-hop plus italo, c'est Porto son mag. Dédicace ce morceau à mes sauces du Portugal.